Chapitre 32 La môme caca. Seul donc Ragdal connaissait entièrement le secret du comte de Charmeuse. Les autres n'en avaient que des bribes et des miettes. Il était maître de la situation, c'était sa grande affaire, et, comme Newton pour la gravitation universelle, il y pensait toujours. Le hasard l'avait mis en présence du drame. Roger, pressé d'en finir, avait eu la détestable idée de lui confier aux aimés. Julie avait surpris et relevé le passé de sa maîtresse et donné à son amant l'adresse de la sage-femme qui avait accouché Adrienne, sans trop savoir à quoi pouvait rimer une pareille demande. Et celle-ci, à son tour, avait avoué, à travers les réticences professionnelles, qu'il s'était passé quelque chose de pas clair. Ajoutons que le beau Ragdal s'était carrément présenté comme étant à la botte et en compagnie de son cher Anatole. La sage-femme, qui n'avait peut-être pas la conscience très nette, prise de peur, avait parlé. La conviction de Ragdal était faite. L'enfant qu'on lui avait remis était Adrienne. Bonne affaire de ce côté pour l'avenir. En attendant, escomptant le présent, il avait fait cracher de Charmeuse qui avait quasi avoué. C'était tout bénéfice. Sa réussite était vertigineuse, à lui tous les succès. Une feuille de chou, qu'il avait lancée un peu par hasard, commençait à lui rapporter gros, grâce à des combinaisons plus ou moins subtiles. Accepté par le monde des coulisses, il lançait des étoiles de café-concert et s'entremettait volontiers pour faciliter les premiers pas aux jeunes gens et aux provinciaux naïfs, voire aux vieux blasés, ce qui est beaucoup plus difficile et demande du doigté. Il était dans toute la flatteuse acceptation et l'intégrité du mot l'ami de ces dames, ce qui ne l'empêchait pas de donner parfois une soirée à Fifine Chopin et à cette petite peste de Julie qu'il traitait, comme on sait, par-dessous la jambe. Signe particulier, à présent, il raquait dans les endroits en vue, cafés, cabarets et restaurants. Il avait même une drôle de petite femme en titre qu'il était censé entretenir, la môme caca ou caca montre tout. Très superstitieux, il était persuadé qu'elle lui portait bonheur. Il avait décoté ça un soir au ramor dans le fond. Elle exhibait tranquillement ses charmes postérieurs, très rebondis du reste, sur un billard, rien que pour plaisir. C'était sa marotte. Et ça avait plu à Ragdal qui s'était écrié « Oh, caca, montre tout !» Le nom était resté, et la chose aussi. Pour un oui ou pour un non, même devant son type, elle vous ouvrait des horizons. « Là, tiens ! Une, deux, et ça y était. Et trois, disparu. » La galerie en bavait quelquefois estomaquée. Mais caca se tordait. Rien n'amusait cette môme-là. Trousser ses jupes et pouffer de rire après, c'était sa petite santé. Ragdal trouvait ça très bien, en satire blasé dont l'imagination malpropre était toujours en rut. Et puis, ça le posait. Dites donc, c'est plutôt original d'avoir une gonzesse comme ça. Nous le retrouvons avec sa bonne amie, cette nuit-là, sur le coup de 2h30 du matin, dans l'ancien sous-sol de Frontin, une boîte de la dernière heure. Il s'était égaré jusqu'au château d'eau où caca avait encore fait des siennes à la vacherie. On s'en retournait à Montmartre, ou bien l'on descendrait au hall. C'était indécis dans les fumées de l'alcool. On verrait à discuter ça sérieusement chez Frontin, moyen terme qui paraît la saison même. Minerve descendue sur terre pour les gens poivres. Encore Ragdal portait bien ça, mais la môme, oh là là! Donc, ils étaient attablés devant le dernier boc, celui qui blinde, caca criant et chahutant, lui, calme et souriant, sauvegardant toujours les apparences. Mais ses yeux brillaient étrangement, et son chapeau rond vacillait un tant soit peu sur sa tête. Tout à l'heure, il y aurait du gauche. Le rasta parvenu, on ne savait comment, était heureux comme tout de se montrer avec sa nouvelle splendeur et de faire parade de ses louis devant ceux et celles qu'il avait si souvent rincés. La cave de Frontin était alors le repoussoir du café portant ce nom. Les prix étaient peu élevés, comme la clientèle peut relever. C'était le banal rendez-vous des vadrouilleurs et des filles chassées des autres endroits. Là, on avait l'heure de grâce. Il y avait des lascars, poseurs de lapins à l'occasion, qui spéculait là-dessus, les jours de mauvais temps surtout. Pour un fiacre, il levait une bergère meule et fauchée, sans le sou. Ces pauvres trotteuses ont un tel trac de julot des mœurs, et puis elles sont si vannées, moches et secouées, éreintées, mal fichues et grisées à cette heure livide, ni chien, ni loup. L'heure grise et glauque, où le boulevard est lamentable, au sortir de la tabagie et des vives lumières, qu'elles se donnent pour rien. Brrr, ça leur fait froid dans le dos. Oui, mon chéri, ça biche pour un sape. Fouette cochée et eu cocotte. Cocotte. Laquelle des deux est la plus à plaindre? Celle qui traîne ou la traînée? Demain, quand la pitoyable Gers radinera à la tôle, son mac gueulera qu'elle a triché sur le gâteau, mince de flopée. Ragdal avait toujours méprisé le coût du fiacre, comme un avilissement de la marchandise et une exploitation indigne et humiliante pour la femme. Aussi laissait-il à celle-ci le soin de tout raquer de sa bonne galette. Lui, il payait en belle nature, et Dieu merci, sous ce rapport-là, on était servi. Ça, il s'en vantait. Demandez plutôt à ces dames. Sur le coup de la fermeture, des types et des cabours à dîner boire un boc ou souper le turban fini. Des calicots, en rupture de comptoir, se frottaient aux artistes et aux filles, se donnant des airs d'étudiants, plus bêtes que nature. On faisait un charivari d'enfer dans les salles enfumées où les sous-lots s'achevaient. « Ohé, les pochetés !» s'écria tout à coup la môme caca que ça démangeait depuis leur entrée. « Combien pariez-vous que je grille une civiche avec mon léséline fuche ?»« Entrave qui pourra !» fit Ragdal, que cette idée extraordinaire et saugrenue empauma du cou. « Moi, je marche d'autor pour la sèche !» Et il offrit à sa gracieuse compagne la cigarette, objet du défi, que personne ne releva. Mais ce qu'on s'apprêtait déjà à en jeter un, ce n'est rien de le dire, fallait voir. D'un bond, la môme caca fut sur la table de marbre, renversant les bocs, objectif braqué et bien au point, prête à en griller une, à l'envers, comme elle l'avait annoncé. Il ne manquait plus qu'un détail de rien. « Adolphe !» appela la môme. « Des allumettes !» et Ragdal de crier « Feu !» Ce simple monosyllabe attira tout net l'attention du garçon qui ne se serait jamais dérangé pour apporter des allumettes, même au pape. « Hein ? Quoi ? Oh ben ! Oh ben ! Par exemple, j'avais pas encore vu ça !» Il en restait baba, littéralement. Dans la salle, les hommes se roulaient sans exception. Quant aux femmes, celles qui rigolaient, rigolaient bien. Elles y allaient même de leur voyage. « Oh, cette sacrée caca, elle nous fera mourir. Moi, j'en fais pipi dans ma chemise. Assez, caca, assez !» Et les mâles de protester. « Encore, plus haut !» Il y avait pourtant des grues qui trouvaient ça par trop facile et même dégoûtant. Comme c'était malin. On en ferait bien autant si on voulait. Mais on n'était pas saoul à ce point, et on avait le respect de soi-même. Elle était encore plus bête que son cul, chose qu'elle vous étalait là comme une relique, cette caca de Montretout, et patati, et patata. Au fond, elles étaient vexées de son succès qui tournait à l'apothéose. On l'aurait portée en triomphe si on n'avait pas craint de la déranger en un pareil moment, un sacrilège. « Sûr que je vais l'appeler, le patron !» cria le garçon en levant les bras scandalisés. « Veux-tu descendre de là et cacher ça, petite salope ?» Une clameur courroucée lui répondit. « Non, non ! Enlevez Adolphe ! On l'a quelque part, son gérant !» Et l'on chanta sur l'air connu. « Attachez les pieds du gérant avec un ruban blanc !» Adolphe s'en alla désolé, en jurant au contre-objet de charmeuse qui pénétrait au même moment dans le caveau, qu'il en avait bien vu et de toutes les couleurs dans sa garce de vie. Mais ça, jamais. Sûr, il en ferait une maladie. D'abord, il allait le dire à la caisse pour se mettre à couvert. Et quand la patronne saurait ça, elle qui était à cheval là-dessus, Ragdal, toujours prudent, avait mis fin à la représentation en enlevant l'artiste dans ses bras et en la rasseyant à côté de lui sur la banquette. Un vieux monsieur poussa discrètement la cigarette de son côté avec sa canne pour la ramasser au bon moment. Ici-bas, rien ne se perd. Monsieur de Charmeuse était en tenue de soirée, mais, en pénétrant dans les suggestifs salons du sous-sol, il avait boutonné son pardessus et relevé très haut son col de fourrure. Tranquillement, il s'assit à côté de Ragdal, qui en eut une suée d'angoisse. Roger avait un compte à régler avec lui, et il choisissait bien son moment pour le crosser impunément. Qui donc prendrait parti pour l'ami de la môme caca? Ah, par quel hasard? Risqua le Rastaquer, allant au-devant du choc qu'il redoutait. Ce n'est pas un hasard, répondit le comte. Tiens, vous fréquentez donc les dessous de cet établissement? Non, pas davantage. Alors, je ne comprends plus bien. J'ai à vous causer, mon cher monsieur Ragdal. Celui-ci était de moins en moins rassuré, mais, à sa grande surprise, et pour son plus profond soulagement, le comte reprit. Je dînais dans un salon, au-dessus, quand vous êtes entré avec madame. Il fit une inclinaison de tête à la môme caca, qui se grattait d'un air interrogateur, en regardant tour à tour son amant et Roger de Charmeuse. Baissant le ton, le gentilhomme disait à présent au Rasta, nageant dans les délices, « Vous vous êtes fait payer un peu cher le petit service que je vous ai demandé, mais c'est moi, en somme, qui ai commencé par gâter les prix. Et puis, bast, je me serais bien ruiné sans ça. » L'aimable Ragdal protesta poliment. « Ruiné, oh, oh, oh, le mot est bien gros. Mon Dieu, non, c'est l'exacte vérité. Je suis à la merci de mon beau-père et très ennuyé, je vous assure. » J'avais entendu parler de cela, mais je n'y croyais pas. Ragdal se demandait s'il était gris ou s'il rêvait. Voilà que le comte lui racontait ses petites histoires d'argent et de famille. Quel était son but? « Mais oui, poursuivit Roger, je suis, financièrement parlant, à la côte, décavé. » « Oh, il vous reste encore votre matériel, comme on dit à Monte-Carlo. » Oui, la vie proprement dite, une misère. Vous me donnez en vérité le premier regret de n'être pas riche, avança gravement l'immonde drôle. Et si je pouvais encore vous être utile à quelque chose, peut-être. Ah, vous croyez? Et Ragdal dressa l'oreille. Le comte se croisa les bras et demanda froidement à son complice du cabaret des assassins. À ma place, que feriez-vous? Oh, mille choses! Monsieur de Charmeuse sourit avec amertume. Vous êtes un homme d'imagination, fit-il. Je m'en doutais déjà. Pour parler net, cherchez, trouvez un moyen de me sortir d'embarras. Il va sans dire que vous y aurez toujours votre bénéfice. Cela n'est pas la question. Et autant que possible, n'oubliez pas que je suis encore, aux yeux du monde, sinon au mien et au vôtre, ce que l'on appelle un galant homme. Il prononça d'une voix étouffée. Vous êtes adroit et discret. Je ne sais comment vous avez pu surprendre certaines choses qui me concernent, mais je vous dois un certain gré pour ne pas les avoir ébruitées. La tombe, renchérit Ragdal, comptez sur moi, je suis un tombeau. Voyons, avez-vous quelque chose de précis en vue pour vous? Oui. Une question d'abord. La signature de madame la comtesse? Non, pas cela. Ce serait à la dernière extrémité. J'ai encore des préjugés, moi. Il faudra petit à petit les mettre sous vos pieds et marcher dessus si vous voulez sortir d'embarras. Le noble Ragdal avait émis cela d'un ton ferme. C'était comme une déclaration de principe. Il demanda encore « Vous ne songez plus à aller tuer Jean Robin ?»« Non, c'était fou, impossible. Allons, je vois que vous finirez par devenir raisonnable. Mon cher comte, je ne vais plus penser qu'à votre affaire. » La môme caca eut un bâillement prolongé. Dites donc, soupez de vos affaires, sais-tu bientôt la finissure? Le bel Adolphe reparut criant. C'est 3 heures, on ferme! Roger tendit, non sans une certaine répugnance, la main à Ragdal, qui la serra en frère. Pensez à ce que je viens de vous dire, fit-il. Vous êtes un homme débrouillard et je compte sur vous. N'ayez de crainte, ça va marcher. Où vous retrouverai-je? Mais les bonjours au Newtown? Ah, vous êtes de ce cercle-là. Comment donc? Ils se séparèrent, Ragdal enchanté de sa soirée et tenant sa cuite, Roger, las et démoralisé, prêt à sombrer dans toutes les boues plus ou moins dorées de Paris. Sa chute dans l'ignominie devenait vertigineuse, puisqu'il en était arrivé à se raccrocher aux branches pourries. Il était destiné désormais à sombrer dans toutes les fanges sans honte et sans remords. Ragdal n'était plus un hasard ni un accident dans sa vie, c'était un modus vivendi, presque un but. La pourriture va vite.